Mais vous habitez ici depuis toujours ou... Je suis né à Vauguinet. Oui. Le 28 décembre 1914. Oui, parce que on est français croisés ici. Ah bon? Bah oui, parce que si vous vous rappelez de votre histoire, Charles Martel avait arrêté les Arabes à Poitiers en 732. Oui, effectivement. Oui. Et ces gens-là, quand ils étaient prisonniers, ils les ont descendus dans le confluent de la Vienne et de la Loire. Alors ici alors. Ici, oui. Et ils y sont restés. Ils se sont mariés, et tout le monde s'est fructifié de père en fils. Ça s'est élargi un peu partout, bien sûr. Oui, on est descendants d'Arabes ici. Ah oui, les gens de Savigny. Ah oui, parce que vous savez maintenant, mais autrefois, oui. Les gens ils se mariaient presque entre familles. D'abord, il était fier parce qu'il y avait les grosses têtes, les gros. Et puis il y avait le malheureux. Mmh. C'est ça. Alors, il faisait travailler un peu les gens comme des serfs, autrefois. Pour rien. Les grosses têtes, ici. Ah oui. Heureusement, ça a changé depuis. C'est vrai, oui. Heureusement, heureusement. Oui, oui. Voilà. Mais alors, les descendants des Arabes, c'était des paysans ou c'était aussi... Ben, ils ont resté ici. Ouais. Il y a même un coin de terre où je me divine, moi. Ça s'appelle le cimetière mort. Ah. Il enterrait, soi-disant, leurs morts dans ce coin, dans ce parage-là. Et c'est où, ça, ce cimetière mort? C'est sur la commune. Sur la commune? De Savigny. Le cimetière mort. Oui. Mais il y en a parmi nous, nous on a la peau blanche. Oui. Mais il y en a qui sont mates encore. Hein. Et puis qui ont des. Comment on appelle ça? Comment des espèces d'insignes, comme s'ils étaient. Comme les Arabes. Ah. Un peu. Oui, oui. Quel genre d'insignes? Mais des. Comment que je vous dirais? Comme des grains de beauté. Ah oui? Oui. Ah. Oui. Oui, oui, oui. Les mureaux, les blondins, les mains. Et oui, tout ça, c'est une descendance. Ils ont resté, eux, vraiment mat. Ils ont la couleur mat. Ils n'ont pas la peau claire comme nous. Mmh. Oui, oui, oui, oui, oui. Mmh. Il y a beaucoup de gens. Maintenant, vous savez, les gens sont évolués. Mmh. Oui, oui, ça. Mais oui. On est une descendance d'Arabes. Oui, oui. C'est intéressant, ça. Hein? C'est intéressant, ça. Voilà, ça date de vieux, il est où de... Oui, oui. Depuis 732. 732. Oui, oui. Même il y en a dans le Veyron aussi, hein. C'est-à-dire dans le Veyron, la commune de Beaumont, là. Ah, là aussi. Ah oui, il y en a aussi, des gens qui sont mat aussi, comme ça. Mmh. Ah oui, oui, oui. Ah, oui. Le teint mat. Ah. Oui, oui. On peut dire noir, ni mulâtre, mais enfin, ils sont plus foncés, la peau plus brune que nous. Nous, si on brunit, c'est le soleil. Ouais, voilà. Tandis qu'eux, ils sont... Toute l'année, quoi. Ah oui, oui. Ouais. Oui.